Mais ce qui le servit le mieux, ce fut sa grande largesse, car s'il se conduisait sagement dans l'adversité, en revanche, dès qu'il se croyait en sûreté, ou seulement en trêve, il se mettait à mécontenter les gens par des procédés mesquins fort peu à son avantage, et il pouvait à grand-peine endurer la paix. Il parlait des gens avec légèreté, aussi bien en leur présence qu'en leur absence, sauf de ceux qu'il craignait, qui étaient nombreux, car il était assez craintif de sa nature. Et quand, pour avoir ainsi parlé, il avait subi quelques dommages, ou en avait soupçon, et voulait y porter remède, il usait de cette formule adressée au personnage lui-même. « Je sais bien que ma langue m'a causé grand tort, mais elle m'a aussi procuré quelquefois bien du plaisir. Toutefois, il est juste que je fasse réparation. » Jamais il n'usait de ces paroles intimes sans accorder quelques faveurs au personnage à qui il s'adressait, et ces faveurs n'étaient jamais minces. C'est d'ailleurs une grande grâce accordée par Dieu à un prince que l'expérience du bien et du mal, particulièrement quand le bien l'emporte, comme chez le roi notre maître, nommé ci-dessus. Mais, à mon avis, les difficultés qu'il connut en sa jeunesse, quand, fuyant son père, il chercha refuge auprès du duc Philippe de Bourgogne, où il demeura 6 ans, lui furent très profitables, car il fut contraint de plaire à ceux dont il avait besoin. Voilà ce que lui apprit l'adversité, et ce n'est pas mince avantage. Une fois souverain et roi couronné, il ne pensa d'abord qu'à la vengeance, mais il lui en vint sans tarder des désagréments et du même coup du repentir. Et il répara cette folie et cette erreur en regagnant ceux envers qui il avait des torts.